Vendredi 17 novembre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, on a un sujet qui est d'actualité et de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va parler du mouvement zéro déchet. Il y a une instigatrice, c'est pas l'instigatrice en fait, c'est vraiment la personne peut-être qui l'a popularisée dans les dernières années, qu'on en a beaucoup entendu parler, et je parle de Bea Johnson, qui se promène un peu partout. Son livre qu'elle a écrit pour le zéro déchet, on parle d'environ 15 langues qui a été traduit, donc c'est énorme. Et puis elle a vécu avec sa famille, ils sont quatre. En un an, ils ont réussi à faire un demi-litre, à faire que un demi-litre de déchets pour sa famille au complet en un an. Comme je disais, c'est elle qui a popularisé, en fait, ce mouvement-là, qui existait déjà. Et souvent, des fois, c'est juste qu'on n'a pas le nom « zéro déchet » qui va avec, mais que c'est, en fait, ce qu'on utilise, ce qu'on fait. Elle, dans son cas, c'est vraiment extrême. Avec un demi-litre de déchets, elle fabrique tout. Ses cosmétiques, ses produits ménagers, qu'on parle de lessive, qu'on parle de produits de maquillage aussi. Donc, tout ce qu'elle achète, elle, c'est en vrac. Puis, elle met 5 règles en application. Et encore là, c'est de vérifier, est-ce qu'on fait ça tout le temps? Pas nécessairement, mais peut-être qu'on le pratique. Donc, de refuser, selon elle, c'est refuser ce qu'on n'a pas de besoin. Réduire ce qu'on n'a pas de besoin. Réutiliser ce qu'on a déjà. Recycler et composter. Là, je vous entends, il y en a peut-être là-dedans qui disent, le composter, je reste dans un troisième, ça se peut que non. Ça se peut que oui aussi, on va le voir avec nos invités. Et mes invités, ce matin, j'ai vraiment là des gens qui s'y connaissent. Je me prétends pas zéro déchet, pas du tout dans mon cas. Mais par contre, je fais des actions et plus je faisais mes recherches, plus je me rendais compte que j'étais pas si pire que ça, mais j'en ai beaucoup à améliorer. Déjà ce matin, avec ma tasse de café, elle n'est pas réutilisable, celle-là. Donc, mes invités, j'ai Grégory Giron des Gourmandises Luca, situé sur la rue Saint-Jean, qui s'y connaît. Bonjour, Grégory. Bonjour. J'ai aussi Marie-Claude Pellerin, qui pratique depuis environ 2-3 ans, mais dans le fond, un peu comme je disais dans l'intro, le zéro mouvement, c'était pas identifié comme ça, mais c'est ce que tu faisais quand même, le zéro mouvement, le mouvement zéro déchet plutôt. Oui, j'avais commencé. T'avais commencé. Bienvenue. Et Noémie Bouchard-Deschambault de La Récolte, qui est située ici, juste à côté, à la 3e avenue. Bonjour. Bon matin. Comment vous, parce que là je parle de Bea Johnson, ça a l'air de la gourou du mouvement zéro déchet, mais c'est beaucoup plus que ça, là. C'est beaucoup... c'est au travers de la planète, ça ne dépend pas que d'une personne qui en parle. Comment vous vous êtes intéressée à ce mouvement-là, à cette façon de vivre-là? Ben moi, en fait, je vais vous avouer, je n'ai pas lu le livre de Bea Johnson. C'est correct. J'ai lu aucun livre sur le zéro déchet. En fait, j'ai toujours été intéressée à l'environnement, à l'écologie, puis moi, ça se vivait plus par une gestion des déchets, le recyclage, etc. Puis, à un moment donné, je me disais, il me semble qu'on pourrait faire plus. Puis, c'est en rencontrant des gens qui posaient certains gestes qui m'ont inspirée à les poser aussi. Puis, à un moment donné, j'ai pris connaissance qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Zéro déchet, puis qui allait dans le même sens de ces gestes-là. Fait que ça a comme donné encore plus d'idées. Là, on se met à faire des recherches zéro déchet avec un moteur de recherche dans Internet. On trouve des tonnes de choses. Fait qu'on est de plus en plus inspirés. Mais c'est vraiment, moi, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait prendre conscience que, ah, tiens, ça existe, ça, ils font ça. Est-ce que moi, je voudrais le faire? Comment je pourrais le faire? Puis des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Puis tranquillement. Mais tu te mets pas de pression? Non. Non. Grégory, dans ton cas, comment tu t'en as entendu parler? C'est sûr que c'est en lisant des livres, en regardant aussi, en lisant ce qui se passe un peu autour de nous, c'est-à-dire l'impact sur la planète essentiellement. C'est ça. Moi, je suis un peu plus extrême dans le sens où j'aime toujours aller au bout des choses, mais toujours dans l'extrême. Mais dans ton... dans mon cas, j'essaie, c'est ça. J'ai appris en lisant essentiellement, puis en recopiant aussi ce que je voyais autant à la télé, sur Facebook, Ben dans ton cas, tu dis, tu vas aux extrêmes. Je pense que ton commerce, dans ton cas, il faut amener nos pots, il faut amener nos choses pour vraiment remplir, parce que tu vends du vrac, entre autres. Oui. Donc, oui. Donc, gourmandise, oui, c'est ça. On pousse la chose, c'est-à-dire que les contenants, en fait, si les gens viennent chercher, c'est-à-dire du prêt-à-manger, de la pâtisserie, il faut qu'ils viennent avec leur contenant. Sinon, on leur charge le contenant, en fait. Ce qui a vraiment un réel impact, parce que... pour le faire, on se rend compte que les gens sont surpris d'ailleurs de devoir payer un contenant et la plupart du temps, ils retournent chez eux, ça arrive régulièrement, pour aller chercher leur contenant et pour justement ne pas faire le déchet. On n'est pas habitué à ça. De ton côté, Noémie, comment tu t'es intéressée au zéro déchet? De mon côté, tout a vraiment découlé, en fait, de mon intérêt pour le végétarisme. J'ai commencé par lire quelques bouquins sur le végétarisme, notamment « Sauver la planète une bouchée à la fois ». Puis c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'enjeu écologique actuel, ce qui m'a amené par la suite à vraiment regarder qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les stratégies que je peux développer pour vraiment minimiser moi-même mon empreinte écologique, ce qui m'a amené aussi à Bea Johnson, évidemment, qui est un peu le gourou du zéro déchet, comme mentionné. Puis aussi à Lorraine Singer, en fait, qui a un blog qui est « Trash is for Toss ». Puis, en fait, il y avait une conférence TED que j'ai vue qui m'a particulièrement marquée puis qui m'a poussée vers le zéro déchet. Et on voyait, en fait, Lorraine avec son pot maçon qui avait environ 3 ans de déchets à l'intérieur. Alors que moi, à mon domicile, on sortait presque 2 à 3 sacs de 30 litres par semaine. Par semaine? Oui, pour une famille de 3. Donc, c'était quand même beaucoup. Puis, je me suis dit, c'est le moment de se mettre en action. Donc, en voyant aussi un petit peu le mouvement Zéro déchet à Québec prendre l'ampleur, ça m'a vraiment motivée puis mobilisée à entreprendre le changement. Mais souvent, je ne sais pas si je me trompe, là, mais je ne penserais pas là-dessus, souvent les gens vont s'imaginer... bon, là, la gang de granola, je suis désolée, mais c'est vrai, vraiment, là, ah, ils n'achètent rien, ils vont vivre en commune ou tout ça, mais vous avez pas l'air d'une gang de gens qui vivent en commune, là, j'ai rien contre ça, différent, au contraire, moi, j'aime toutes les différences, anyway. C'est pas ce que vous dégagez, c'est pas... on dirait que les gens vous stéréotypent, vont vous stéréotyper la commune qui vit dans l'amour, le partage et tout ça, puis c'est comme, ben, peut-être tant mieux, là. Mais c'est comment vous vivez avec ce regard-là de la société en général? Si vous le dites, là, en tout cas. Oui. Ben, je comprends, en fait, qu'on puisse être confronté à certaines étiquettes et certains stéréotypes. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a autant de façons d'être zéro déchet qu'il y a d'individus. Donc, c'est possible de faire le zéro déchet dans ses propres valeurs, de se construire son schéma de valeurs, puis vraiment d'y aller à notre image, en fait. Donc, c'est certain que certaines personnes, on va dire un petit peu plus grano, mais c'est parce qu'il y a d'autres... il y a d'autres modes de vie, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Mm-hmm. Tandis que certaines personnes, par contre, vont avoir une alimentation carnée, vont vraiment, tu sais, être un peu dans le standard social, puis pourtant vont entreprendre des actions concrètes zéro déchet. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, mais il y a aussi plusieurs façons de faire le zéro déchet. Mais c'est vraiment l'étiquette qui est véhiculée. Est-ce que vous êtes tannée de ça, de cette étiquette-là qui est véhiculée, qui est peut-être à tort aussi? Ben pour ma part, non, pas du tout, justement. Je suis assez très confortable là-dedans. Je ne cherche pas à ressembler, justement, à ce qu'on fait passer comme message, je dirais, dans la société, à consommer, justement, à outrance, comme d'ailleurs, c'est ce qu'on nous montre à tous les jours quand on regarde, justement, il suffit d'ouvrir le téléviseur. On vous montre qu'il faut acheter, ressembler à telle ou telle personne, avoir telle voiture, toujours, en fait, consommer. Et c'est ça, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, on a fait de nous des machines à consommer. Ben, et énorme, finalement, ouais. Si on ne détient pas le dernier iPhone, enfin, tout ce genre de matériel qui nous tient comme attaché à la société, finalement, oui, on tombe dans le côté un peu obscur, c'est-à-dire, comme certains disent, un peu grano. Ben, le nombre de publicités qu'on peut voir par jour, juste des fois, on les voit même plus. On est tellement habitués. On nous envoie vers un mode de consommation. Et dans votre cas, vous limitez ça? Comment vous fonctionnez pour réduire les déchets, en fait? Mais il y a tellement de façons de le faire à plein de niveaux. En fait, T'sais, pour moi, en fait, zéro déchet, c'est pas tout ou rien. Pour moi, c'est un processus, c'est une démarche qui vient avec des valeurs, avec des prises de conscience, puis qui s'associe à d'autres mouvements aussi, là, qu'on pourrait nommer, par exemple, la simplicité volontaire, le minimalisme. Oui. Bon, tout ça, ça finit par s'entrecroiser. Puis, pour réduire à la source, en fait, pour produire moins de déchets, ben chacun peut faire des choix qui lui conviennent, qui avec lesquels est confortable, puis on n'est pas obligé de faire tous les choix d'un coup. moi je suis en processus, puis mon objectif personnel, c'est pas nécessairement, tu sais, j'ai pas un objectif mesurable d'atteindre la quantité de je sais pas là justement moi je vais un pot maçon par semaine de déchets, tu sais, ou c'est j'ai pas ça, tu sais. J'introduis dans ma vie des habitudes différentes un pas à la fois. Puis quand je suis bien avec l'habitude, ben elle reste. Si je suis pas bien avec le geste que j'essaie de poser, qui me crée des contraintes ou des inconforts ou des privations, qui fait que à d'autres niveaux ça devient négatif pour moi, ben je vais aller vers une autre solution, vers d'autres choses. T'sais. Parce que là, on parle zéro déchet, mais ce n'est pas que du fameux sac de vidange, là. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment un mode de vie. J'aimerais ça qu'on puisse voir un peu. OK. Là, il y avait les cosmétiques. Il y avait... Bon, ça, c'est mon côté fille, peut-être. Il y avait les vêtements réutilisés, tout ça. Ça va loin. Ça va jusque dans la chambre de bain. Comme j'ai parlé hors d'onde tantôt, il y avait le premier salon, puis c'est, je sais pas pourquoi les médias ont seulement sorti le fameux papier hygiénique lavable. Pourtant, tout le monde paniquait quand on pense à nos grands-mères, qu'elles, probablement les couches, et peut-être aussi ça marchait à guenilles aussi, là, si on recule, probablement plus nos arrière-grands-mères. Mais oui. Ben, oui. J'aurais quelque chose à dire là-dessus, ben, parce que, en fait, effectivement, tu sais, il y a plein de choses qui étaient le mode de vie que les gens avant nous, pendant des générations, ont eu. Oui. Mais l'idée, c'est pas non plus de revenir en arrière puis de vivre comme nos ancêtres vivaient, dans le sens où maintenant, ça peut se faire d'une façon où il y a peut-être plus de confort intégré aux choix qui sont disponibles aussi, là. Tout à fait. Puis c'est pas de renier la modernité non plus, là, tu sais. Est-ce que, ben, je reviens aux grands-parents, est-ce qu'on a perdu, justement, ce principe-là que nos grands-parents faisaient pas mal tout eux-mêmes, ou en communauté, en village, dans les quartiers aussi? Si je me rapporte, moi, juste dans mon coin de Montréal, il y a des quartiers, tout ça. Quand même, on parle que oui, c'est une grosse ville, mais tu sais, ça fonctionne par quartier. Même chose que Québec. Et puis, est-ce qu'on a oublié ce principe-là? On pense que ça prend du temps. On nous a envoyé beaucoup de plats surgelés, déjà préparés. Vous voulez faire telle chose? Ben, achetez-le. Ou est-ce qu'on s'est vraiment déraciné de ce que nos anciens faisaient? Oui. Énormément. Tout à fait. On a perdu beaucoup de savoir-faire, beaucoup de savoir-faire dans plein de domaines, à plein de niveaux. Puis c'est de commencer tranquillement à essayer de faire des choses soi-même qu'on pense pas qui peuvent être faites soi-même. C'est de reprendre du pouvoir aussi un peu sur sa vie, là. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que Marc-Claude disait. Sur le reprendre du pouvoir, en fait, l'empowerment, vraiment devenir, d'avoir une certaine autonomie de soi. C'est vraiment ce qui m'allume personnellement dans le mouvement Zéro Déchet, c'est d'être en mesure de réaliser, ah ben Noémie, coudonc, t'es capable de faire ça par toi-même. Puis, ouais. Tu sais, vraiment de se limiter, en fait, dans le... On est lesté par la société de consommation. Moi, je trouve ça super pertinent de pouvoir parler à ça, de vraiment voler de ses propres ailes, puis apprendre à faire les choses par soi-même. Puis, qu'est-ce que vous faites, justement, vous, dans vos produits? On parle de produits ménagers, on parle de nourriture, tout ça. Est-ce que vous les faites? Puis, jusqu'où vous allez? Il y a beaucoup de choses personnellement que je fais, simplement parce que en terminant certains produits cosmétiques, j'ai pratiqué la consommation consciente. Je me suis questionnée qu'est-ce que je peux faire pour soit prolonger la durée de vie d'un produit ou encore trouver une alternative écologique sans tomber dans le greenwashing qui est un petit piège en fait. C'est-à-dire? Donc, par exemple, certaines entreprises vont vendre ou simplement mettre de l'avant un marketing qui va être très interpellant avec des labels qui ne sont pas toujours justifiés. Donc, on ne connaît pas nécessairement les valeurs de la compagnie derrière ou encore ce qui va mobiliser la compagnie. Puis, c'est pas régi aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est un peu ce qui m'avait amené à faire mes cosmétiques par moi-même. Puis aussi, la curiosité, c'est un beau défi. Et pour répondre à ta question, en fait, ce que je fais comme produit actuellement, je fais mon dentifrice à certaines reprises, quand je suis un peu moins paresseuse. Pourtant, c'est très, très facile à faire. C'est moins long que de traverser. Ouais, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, par exemple, se faire un dentifrice? Oh, il y a plusieurs recettes qu'on peut... Je me rappelle, ma grand-mère, c'était le bicarbonate de soude. Exactement. Exactement. C'est l'ingrédient secret, oui. Donc, il y a un peu de bicarbonate de soude. C'est pas très bon. Ben ça dépend. En fait, les gens qui veulent le goût de la menthe, par exemple. Ça serait les huiles essentielles, donc menthe poivrée, menthe verte. On peut aussi rajouter, moi je rajoute du tea tree, en fait, donc du mélaleuca pour l'effet antiseptique. On peut rajouter aussi du xylitol, qui est un édulcorant naturel. Puis c'est que ça va avoir un effet de fraîcheur, pardon, puis aussi un petit côté plus sucré à la pâte à dents qui va couper le côté un peu salé du bicarbonate de soude. Donc, ça serait une façon de procéder pour le dentifrice. Puis quelqu'un qui t'entend, qui fait comme, ben j'ai écoulé mon cours de chimie, là. Semble tout ce que tu viens de nommer là, ça sonne pas naturel. Non, mais c'est vrai, ça sonne vraiment, on est dans la chimie, là. Ben, c'est... je vous rassure, moi aussi, j'ai écoulé mon cours de chimie. non, c'est très, très simple. Mais c'est des articles qui sont faciles à trouver? Oui, tout à fait. Surtout à Limoilou, on a une mine de magasins, en fait, super intéressants, qui sont spécialisés dans les aliments naturels ou qui sortent un petit peu du commun. Puis, la plupart des ingrédients, on peut les magasiner simplement en parcourant la 3e avenue. Donc, ça peut être une façon de procéder. Puis, donc, c'est des ingrédients qu'on a souvent sous la main, du bicarbonate de soude, on en a tous sous la main. Oui. De l'huile de coco, la plupart en ont maintenant sous la main aussi, sinon on peut remplacer par une autre huile. Donc, il n'y a pas de souci pour pouvoir faire son dentifrice. La plupart du temps, on a tout ce qu'il faut dans la réserve. Mm-hmm. Il manque juste un petit peu d'ingéniosité, puis un petit coup de cuillère, c'est tout. Puis, il n'y a pas de caries. Ça non. fonctionne, ça... Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on a peur. Ben, c'est ce qu'on a peur. Oui. Ben, déjà, en partant, le bicarbonate blanchit les dents. Donc, gars, on est en business avec ça. Mais sinon, c'est ça, les gens ont peur de à long terme, est-ce que je vais... Parce qu'ils nous ont sécurisé, les commerces et les commerçants, les industries nous ont rassurés en nous vendant « voici ce dentifrice-là », parce que je donne ça comme exemple parce que oui, tu viens de m'en parler, « voici, là, vous n'aurez pas de tartre, vous n'aurez pas de scie, vous n'aurez pas de caries, contre la gingivite, contre ci, contre ça, là, on est armé, là, on a tout ça dans un tube. Mm-hmm. » Et là, après ça, on entend « ben, tu peux prendre du bicarbonate de soude. » Ouais, mais ça fait-tu tout ça? Ça, on est tellement sécurisé par le petit tube qui se vend une couple de piastres. Fait que l'industrie nous a manipulés un petit peu peut-être par le marketing. Ben, peut-être un peu pour mettre un terme sur ce que tu viens de verbaliser. Je crois qu'on vit actuellement dans une société qui a été faussement aseptisée. Donc, on craint les germes, on craint... c'est des choses qui sont bonnes aussi, en fait. Je crois qu'on a simplement vu un côté de la médaille. C'est le message aussi qui est véhiculé. Puis c'est d'apprendre par nous-mêmes, aller voir l'autre côté de la médaille, simplement. Vous autres, de votre côté, qu'est-ce que vous faites par vous-même? Jusqu'où vous allez? Moi, je ne fais pas mes cosmétiques. Je fais ni mon dentifrice. Non, je ne suis pas Mais ta conjointe? Là. Ma conjointe, non plus. Non plus. On achète en vrac essentiellement les produits cosmétiques. Mais c'est ça, nous, on fait notre chemin dans d'autres actions. Et puis, c'est sûr que je félicite ceux qui le font. Mm-hmm. Non, nous, ça va être... C'est sûr que on cuisine. On n'achète aucun plat préparé. On n'achète que des produits, donc des produits, des matières premières, essentiellement biologiques aussi. Après, c'est dans les gestes de tous les jours. On va chercher notre pain, on vient avec un sac, on va chercher notre café, on vient avec une tasse. On composte essentiellement. on a toujours la poubelle noire, mais on la sort très rarement. Mm-hmm. Parallèlement à ça, au Gourmandise Luca, on sort une poubelle noire à peu près aux 3 semaines. C'est pour un commerce. Pour un commerce, oui. On sort un bac bleu à la semaine. Et puis, après, bien sûr, on a un compost. Mais le compost, je dirais, c'est 90% du... 90% de nos déchets au Gourmandise Luca, quoi. Puisqu'on composte... en fait, tout ce qu'on fait est compostable, parce que finalement, nous, tout ce qu'on cuisine aussi est végétalien. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucune matière animale. Donc, ça sent pas... c'est ça, il n'y a pas d'odeur. Non, ça sent pas. Ceux qui en parlent du compost, sais-tu, c'est quoi? Dans le fond, c'est une peur qu'on a. Il faut juste tourner la terre, puis l'odeur n'est pas là? Ou comment ça marche? Ben, moi, je pense que si on pense juste à l'odeur des poubelles, je vois pas pourquoi on aurait peur de l'odeur du compost. Oui, là. Sauf que les poubelles, on les sort une fois par semaine, puis on reste pas avec ça à côté de chez nous. Mais c'est ça que les gens se disent. Pas mal plus, tu sais. Parce que le compost, en fait, s'il sort, là, dans la connaissance que moi j'en ai, j'en fais depuis pas si longtemps que ça. Mais s'il sent, c'est qu'il est mal équilibré, donc il faut rajouter un peu de brun, de matière brune. Mais ça, il faut juste, je pense, s'informer, tu sais, quand ça nous intéresse. Puis il y a quand on est informé, ben on va savoir comment gérer, ça va dédramatiser un peu ça. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Puis des fois, on se met des obstacles. Je me suis mis des obstacles très longtemps parce que je suis en appartement. Puis bon, j'ai essayé le vermicompostage, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça, c'est quoi? C'est du compost avec des verres. Oui, donc ça se fait à l'intérieur. Ça, j'ai vu, ça se vendait à la livre aussi, là. Puis à la demi-livre, ces petits verres-là qui travaillent, dans le fond, pour aérer la terre, c'est ça? Ben c'est ça. Scientifiquement, je sais pas si quelqu'un d'autre peut l'expliquer mieux que moi, mais tu sais, moi, en tout cas, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Il y en a qui sont en amour avec ça. Moi, je trouvais que c'était comme avoir un animal domestique. Il fallait vraiment que je prenne soin de mes verres. Puis moi, j'avais pas envie. Je vois Noémie dire oui. Oui, tout à fait. Fait que j'ai la chance que mon propriétaire ait accepté que je puisse mettre un composteur à l'arrière dans le stationnement. Donc là, je composte depuis l'année passée. En appartement. Fait que, tu sais, des fois, il y a des solutions qu'on pense pas, puis d'oser demander ou de... Mm-hmm. Bon, ben là, j'ai trouvé une solution qui me convient, finalement. Mais c'est ça sent... C'est souvent ce qu'on imagine, c'est qu'avec... admettons qu'on jette les restes dans la poubelle, mais ça sent pas bon, justement, dans notre sac à vidange. Mais si je vais mettre ça dehors, l'été, ça va sentir fort, avec le soleil qui plombe dessus. C'est souvent ce qui est véhiculé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plusieurs composantes du compost, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est de ne pas mettre, par exemple, des produits carnés, donc les viandes. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre dans un compost. Puis, je crois que c'est de s'outiller. À partir du moment où est-ce qu'on est outillé puis qu'on est à l'aise de faire des essais, de voir, OK, ça a fonctionné, ça dégage une odeur, ou encore d'équilibrer, encore là, comme le mentionnait Marc-Claude, avec les matières brunes, ou encore avec la poudre d'os ou la poudre de coquille d'œuf. Donc là, ça va venir équilibrer le compost. Puis par la suite, avec un entretien adéquat, il n'y a pas d'odeurs qui sont supposées se dégager. Là. Mm-hmm. Puis, de plus en plus, je pense que les bacs à compost, là, je parle dans l'achat, mais ils sont de plus en plus petits aussi. On peut en voir qui sont, comme tu disais, par exemple, Marie-Claude, tu es en appartement, tu en as un, il ne doit pas être immense là, non plus, là, ton bac. Quoique, je ne sais pas où est-ce que tu habites, là, mais... Ben, j'habite à Limoilou, en appartement. Mais c'est ça. Mais c'est... non, le mien, il est quand même d'une grosseur standard. Là, mais c'est ça, il y en a de plus en plus, des petits, je voyais qui ressemblent à des tambours qu'on peut tourner, parce qu'il faut faire tourner ça en plus. Peut-être de là, tes petits animaux de compagnie qu'il fallait que tu les fasses tourner, ou... Non, les... Non, c'était pas ça, c'était pas ça qui te dérangeait. Non, c'est parce que les vers de vermicompost, ils sont sensibles à la lumière, à l'humidité. Ah, okay. Si tu leur donnes trop de déchets végétaux d'un coup, ils n'auront pas le temps de les digérer. En tout cas, personnellement, moi, je trouvais ça plus compliqué. Mais tu sais, il y a plein de solutions différentes qui existent. Mm-hmm. Pour chacun, ses besoins, sa personnalité, c'est le temps qu'il est prêt à mettre ou pas. Tu sais, moi, je connais plein de gens qui sont en amour avec ça. Je veux pas parler contre le vermicompost. C'est juste que pour moi, c'était pas la meilleure solution. C'est ça, chacun sa solution. Mm-hmm. Et je vais rester dans le compost. Je sais... pour être montréalaise, que ça se fait, qu'on composte beaucoup. La Ville de Québec, je ne sais pas si elle est ouverte à ça ou est-ce qu'elle fait ça. Est-ce que vous avez un coin compostage à Québec aussi? Dans Saint-Jean-Baptiste, oui, il y a différents justement composts mis à disposition, mais bien sûr, il y a toujours la contrainte de il faut une formation, nous montrer, il faut les clés, il faut s'inscrire, puis je pense que ça va être limité aussi, oui. OK. Mais c'est sûr que ça serait comme merveilleux d'avoir à disposition qu'on puisse y aller vider nous-mêmes notre compost à tous les jours ou toutes les semaines. Ce serait un gros progrès, là. Mais déjà, la Ville, est-ce qu'elle en fait elle-même son compost? Actuellement, le compost n'est pas municipal. Le compost est régi par un organisme communautaire qui est Cragbitume. Okay. Donc, c'est un peu ce que mentionnait Grégory. Cragbitume font des listes d'attente avec plusieurs bacs disponibles pour la communauté. Okay. Puis à partir de là, c'est de s'inscrire au bac communautaire chez Cragbitume directement à l'organisme pour voir par la suite où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui est plus accommodant, puis de voir aussi si les délais d'attente nous conviennent. Parce que c'est sûr que si toute la Ville de Québec veut composter puis que c'est un seul organisme qui régit le compostage, ça marchera pas. Donc, les listes d'attente sont assez considérables. Toutefois, moi qui me suis inscrite peut-être l'année dernière, quand je suis arrivée en juillet, donc encore là en 2017, puis j'ai reçu un petit courriel me disant « Coucou Noémie, est-ce que tu as envie de venir à la formation? » Donc, je pensais que les délais allaient être vraiment plus considérables que ça, mais ça a l'air de déboucher doucement, là. Je pense que la venue du mouvement Zéro Déchet, puis aussi la conscience éco-citoyenne actuellement qui se développe dans la Ville de Québec, donne un bon coup de pouce à l'organisme Cragbitume. Oui, parce que c'est ça. Moi, ce que je connaissais de mon coin de ville, c'était vraiment qu'il y avait du compost, de la terre, qui avait été compostée tout ça à partir des sapins de Noël qui avaient été recyclés. Il y avait déjà du compost qui était créé par la ville, par les résidus qui pouvaient composter. Et suite à ça, bien, dans les jardins communautaires qu'on voyait, parce qu'il y en a quand même pas mal dans mon coin où est-ce que j'habitais, on avait accès à cette terre-là qui était toute riche et qu'on pouvait utiliser pour mettre dans notre propre jardin, qui était quoi, quand même un 10 par 20 pieds là, de jardin communautaire. Donc, je m'informais pour savoir si c'était accessible aussi. C'est ce même principe-là ici. J'avais de la difficulté à trouver l'information, fait. Pas à ma connaissance. Vous qui êtes déjà implanté à Québec, puis qui connaissez quand même les bonnes places, les bons organismes, tout ça, c'est de là ma question. Tu voulais rajouter, Marie-Claude? Ben en fait, c'est ça, un peu comme Noémie a dit, là, moi, ma connaissance, c'est vraiment avec Cragbitume que les citoyens peuvent avoir accès à des alternatives pour composter s'ils peuvent pas avoir leur propre compostage. Mais au niveau municipal, ça bouge très, très lentement, là. Ça devrait aller plus vite. c'est ce que je comprends. Je souhaiterais. Mais je voulais revenir peut-être sur une question que tu avais posée un petit peu plus tôt, là, qu'est-ce qu'on fait, parce que le compost, c'est un exemple vraiment intéressant au niveau de la gestion des déchets, mais si on veut réduire les déchets à la source, qui est aussi un des principaux moteurs, je pense, du mouvement Zéro Déchet, tu sais, on peut faire nos choses nous-mêmes, comme ça a été mentionné, mais... on peut aller loin là-dedans. Hein. On peut avoir de l'eau de fleurs d'oranger qu'on rajoute dans nos produits, ou on peut y aller avec des affaires qu'on a juste dans notre garde-manger. T'sais, chacun décide jusqu'où il va dans le raffinement des produits qu'il décide de faire lui-même. Puis ça va avoir un impact sur le temps que ça prend, puis sur le coût. Fait qu'après, ça devient des choix personnels. Excuse-moi. Mais personnellement, j'y vais vraiment simple parce que moi, je veux pas que ça soit long, puis je veux pas que ça soit cher, puis je veux pas que ça soit compliqué, puis je veux pas que ça soit un mot que je sais pas prononcer. Fait que... mais c'est ça aussi, en fait. Je pense que, tu sais, il y a plusieurs façons de voir les choses là-dedans. Tu sais, on peut aller loin, mais il ne faut pas non plus mettre la barre trop haute, en fait. C'est là où je veux en venir, là. Bien, on peut se décourager, je pense. Oui, c'est ça. Un petit geste à la fois. Puis je pense qu'un geste que la majorité des gens font déjà, qui est zéro déchet, c'est d'amener ses propres sacs à l'épicerie. Tu sais, puis d'avoir une gourde au lieu d'acheter des bouteilles d'eau. Ça, c'est des gestes qui sont très répandus. Puis c'est juste de prendre conscience que, bien, si on est capable de remplacer des sacs jetables en plastique par quelque chose de réutilisable, bien, toutes les autres choses qui sont jetables dans notre vie, par quoi on peut les remplacer aussi. Puis là, on les prend une par une, puis on se dit, OK, ça, par quoi je pourrais le remplacer? Par exemple, les mouchoirs jetables. Bon, mais il y a des mouchoirs en tissu. Moi, la première fois que j'ai vu une amie avec un mouchoir en tissu, je l'ai trouvé super hot, je la trouvais géniale, mais je me disais, oh, je serais pas game, nanana. Puis finalement... Ben, c'est ça. Tu vois, on sort nos mouchoirs sur la table. Tout le monde. Tout le monde en a. C'est ça. Fait que, finalement, maintenant, j'en ai fait dans une tête d'oreiller qui venait de ma grand-mère. Puis là, c'est comme un souvenir d'elle. Puis je me mouche dedans, tu sais. Puis c'est pas dégueulasse. Parce que j'avais bien des préjugés moi-même. Regarde, tu vois, nous autres, à CKRL, on a notre boîte de Kleenex. Heureusement, parce qu'au nombre de bénévoles qui passent ici, heureusement qu'on reste avec des. Mais on pourrait les amener nos propres. Mouchoirs en tissu. Mais oui, je suis contente qu'on n'ait pas les réutilisables ici, là, les lavables. Ben, c'est sûr que on se le prête pas, là, un coup qui est utilisé. Prête pas. Là, mais on ceux qui trouvent ça, justement, qui vous regardent puis font « Arc, non, me remoucher dans le même que tantôt, non. Non, moi, si j'ai un rhume, là, oublie ça, là, je veux pas. » Tu sais, c'est les jugements que les gens ont. Ben, les jugements... On n'est pas obligé de le faire encore une fois. Mais pourtant, il faut que chacun soit à l'aise dans ce qu'il fait. La première, ma femme, quand je lui ai dit « ça me prendrait des mouchoirs en tissu », elle m'a regardé avec des gros yeux. J'ai une employée aussi qui adhère pas à ça. Mais voilà, moi je fais ça, mais il y a autre chose que je ne fais pas alors que ma femme fait, puis qu'une de mes employées fait, donc... On peut pas être comme tout à l'heure, on parlait de ceux qui font les cosmétiques. Mm-hmm. Moi, je fais pas de cosmétiques, mais ça, chacun fait son mène son combat, chacun essaie d'être le changement, en fait. Mais on parlait de comme on veut voir le monde, quoi. Pour les hommes, par exemple, ça pourrait être la crème à raser, ça pourrait être, par exemple, l'aftershave aussi. Ça pourrait être plein de choses qu'il y en a qui font aussi. Oui, oui. Donc, vous n'allez pas nécessairement jusqu'à l'extrême de tout faire à 100%. Mais on peut... J'aimerais ça... Là, on va prendre une pause. On a déjà une bonne demi-heure de fête et c'est super intéressant, mais j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on peut vraiment être zéro déchet dans une vie, dans une année, dans une semaine? Est-ce qu'on peut vraiment? C'est-tu réaliste ou c'est utopique? Non, c'est réaliste, c'est sûr. On va en parler après la pause. À tout de suite. On est de retour déjà à l'émission Les Différents. Le temps passe vite ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le temps, mais il passe vraiment vite. On n'a pas le temps, mais je veux qu'on le prenne pour savoir. On parle de zéro déchet ce matin. Est-ce que c'est possible d'être 100% zéro déchet? J'en parle ce matin avec Grégory Giron des Gourmandises Luca, situé sur la rue Saint-Jean, Marie-Claude Pellerin, qui pratique aussi ce mouvement zéro déchet-là, et Noémie Bouchard-Deschambault de La Récolte, ici sur la 3e avenue, qui est aussi un magasin de vrac. Est-ce que ça se peut? Je posais la question avant la pause, là. Je vous ai vous enflammer. Il y en a un qui dit oui, l'autre non. C'est quoi votre réponse là-dessus? Ben, pour ma part, je dirais oui. Comme on disait, c'est sûr que c'est pas facile. Du moment où on est dépendant de quelqu'un d'autre, finalement, on pollue. Donc, on fait un déchet. Même si on achète une tomate, mais la tomate vient, par exemple, a fait une heure de route, ben, on a déjà créé un déchet. Mm-hmm. Donc, je pense que la solution, c'est d'être autonome. C'est-à-dire, c'est ça, comme tu disais... je sais plus ce que tu disais d'ailleurs. Mais est-ce que ça se peut? Puis est-ce que, ben, dans le fond, c'est un peu le on parle, si je me trompe pas, c'est les Amish, en fait. Oui, c'est ça. Qu'ils l'ont compris. On dirait qu'eux l'ont compris. Ils sont vraiment autonomes. Ils dépendent de personne. Ah. Même pas des gouvernements. Tout à fait. Mais c'est possible, mais c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu peut-être utopique. Ça serait, oui. Juste pour peut-être compléter, je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette démarche-là là, de vivre en autosuffisance, puis qui sont loin d'être amish, là, parce que ça vient avec une religion. Non, mais je veux juste dire aux gens que ça existe. T'sais. Il y a des gens qui vivent dans des éco-villages, qui explorent ces modes de vie-là. Mm-hmm. Il y en a qui le font de manière autonome, individuelle, mais c'est c'est des démarches qui sont longues, qui sont compliquées, qui demandent des infrastructures au niveau de notre énergie, qui demandent d'avoir parfois des animaux pour avoir de la laine pour se fabriquer soi-même. Alors ça va, c'est poussé très loin, tu sais. Mettons qu'on vit en ville, là, dans notre réalité, mettons ici de Québec, réalité urbaine. Moi, je pense que 100% zéro déchet, c'est une utopie, mais c'est pas grave parce que je pense que dans la vie, si on veut des changements, il faut viser vers un objectif qui peut nous sembler irréaliste, mais on est en chemin. Mm-hmm. Fait que c'est pas grave si on se rend pas parce que sur le chemin, on avance puis il y a des choses qui changent pareil. Oui. Puis peut-être un peu pour compléter ce que disaient Grégory et Marc-Claude, dès le moment où est-ce qu'on achète un produit, on génère un déchet. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'on peut choisir quel type de déchet on va générer. Si vous achetez un produit, vous pouvez pratiquer la consommation consciente, questionner le producteur ou encore la personne qui vous fournit le produit, donc le commerçant. Qu'est-ce que j'achète actuellement? C'est quoi les valeurs que j'encourage? Mm-hmm. C'est quoi le mode de transport? C'est quoi le mode de culture? Donc, c'est toutes des choses qui vont influencer sur le coût écologique du produit qu'on consomme, parce que même si on ne ramène pas le déchet à la maison, il a produit des déchets quand même. Là. Donc, je crois que nous, ce qu'on peut faire, même si on ne peut pas limiter le déchet complètement, donc à 100%, c'est vraiment de s'informer qu'est-ce que je peux faire pour aller viser ce 100%-là. Oui. Puis, une note de 100%, c'est plus difficile. Mm-hmm. Moi, je vois ça, comme je disais, hors d'ordre, un peu comme un crime. On peut pas être sûr à 100% qu'on n'a pas laissé de traces sur les lieux. C'est un peu ce principe-là, tu sais, du déchet. On va toujours en créer, mm-hmm. Juste par notre présence aussi. On parle de tout ce qui s'y rattache. Ils disent, les gens qui pensent que, fabriquer nos choses nous-mêmes, ça prend plus de temps. Est-ce que c'est vrai? Au niveau de la logistique, autant fabriquer que d'aller acheter nos produits en alimentation, admettons, en vrac ou tout ça, ça va être plus long. Est-ce que c'est vrai? Moi, je trouve pas ça plus long, même que des fois, c'est vraiment beaucoup plus rapide que d'aller à l'épicerie de l'acheter, tu sais. Parce que pour aller à l'épicerie, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je me rende, je l'achète, je passe à la caisse, je reviens chez nous. Puis, c'est rare que je peux faire ça en bas de 15 minutes, alors que si je le fabrique chez moi avec du vinaigre, du bicarbonate de soude, de l'huile végétale, des huiles essentielles, ça m'a pris 2-3 minutes, là, puis c'est fini. Là, qu'est-ce que tu as fabriqué là, avec tous ces ingrédients que tu as mis là? Plein de choses. Hein? Tous mes produits. Vinaigre et bicarbonate, ça fitait pas. Ça pouvait exploser un petit peu. Moi, je nettoie la toilette avec ça. T'sais, tu mets du bicarbonate de soude dans ton bol de toilette, puis là, tu frottes, puis après ça, tu envoies du vinaigre, puis ça fait comme de la mousse, justement, dans ton bol qui va t'aider à récurer. Et d'ailleurs, le vinaigre, très bon pour le calcaire. Pour enlever les traces de calcaire. Ça, c'est ça. Je parle d'expérience. Revenir à ta question de tantôt, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, moi, je vais faire du dentifrice, ça va être mon shampoing, ça va être mon revitalisant, ça va être le vinaigre, c'est mon assouplisseur dans ma laveuse. Avec ça, je me fais de la poudre pour mon lave-vaisselle. Je veux dire, il y a des tonnes de choses. Là, tous mes produits nettoyants, là, mes push-push là, pour laver mon comptoir, c'est fait avec ça. C'est des ingrédients magiques. Là. Puis, pour le vinaigre, ceux qui pensent que ça sent... Marie-Claude, chez eux, ça sent le vinaigre parce qu'elle en met partout. Pas du tout, c'est ça. Pas du tout parce que ça s'évapore, cette odeur de vinaigre-là. Donc ça, c'est peut-être plus vendeur. Là. Oui, ça s'évapore quand même assez rapidement. Puis même si c'est mon revitalisant pour les cheveux, puis mes cheveux ne sentent pas du tout le vinaigre. Là. Puis en fait, ce qui est magique aussi, c'est les huiles essentielles. Parce que chez nous, ça va sentir le sapin, ça va sentir l'orange, ça va sentir l'ylang-ylang. Ça sent ce que j'ai le goût que ça sente, puis c'est ça que je mets dans mes produits. Tandis que c'est ça, quand on l'achète, on nous propose des parfums, je dis ça en gros guillemets, là, mais on nous propose ça. Là, au moins, vous pouvez l'ajuster à ce que vous voulez. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça prend plus de temps? De fonctionner avec le vrac, avec... là, c'est sûr, vous autres, vous êtes dans des commerces à temps plein. C'est sûr, vous allez me répondre non, mais en général... Je dirais, pour moi, ça a été vraiment la période de transition. Donc, faire la recherche d'informations, comme je disais, c'est un terme que j'ai ressorti beaucoup, mais pratiquer la consommation consciente, c'est ce qui, au départ, a vraiment pris un investissement au niveau de mon temps. Mais un coup que la routine s'est instaurée, un coup que j'ai pris mes habitudes, un coup que je suis outillée puis que j'ai développé des stratégies, j'économise beaucoup de temps. On parle d'économie de temps, économie d'argent. Ça, les gens souvent vont penser, peut-être à tort, peut-être à raison, que d'acheter local, c'est plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que c'est plus cher ou d'y aller à l'épicerie avec le fruit en spécial, puis je vous vois rire les moi, trois? Moi, là, je les comprends de s'imaginer ça, mais je suis pas d'accord, non. Mais en fait, c'est comme Noémie disait, il faut prendre le temps, je pense, de faire une démarche et de s'informer. Puis c'est ça qui prend le plus de temps au début. Puis un coup que c'est fait, ça, puis qu'on a trouvé les bonnes ressources, là, on se rend compte que c'est facilitant puis que c'est économique. Mais il faut trouver les bonnes ressources, tu sais... Parce que il y a le phénomène du greenwashing, comme on parlait en début d'émission, qui est vraiment du marketing écolo. Puis, tu sais, faut comme essayer de démêler tout ça. Puis, je peux peut-être me permettre de proposer une ressource pour connaître d'autres ressources. C'est la page Facebook de Zéro Déchet Ville de Québec. Oui, le groupe. Oui, c'est ça. Moi, je suis une des modératrices de ce groupe-là. Puis, c'est vraiment comme une mine d'or, là, justement, quand on s'intéresse à ça, quand on se pose des questions. Parce que c'est une page qui est là pour échanger entre nous sur qu'est-ce que vous faites, vous autres? C'est quoi votre solution? Où vous trouvez tel produit? Donc, il y a plein de trucs, de ressources, d'idées, de réflexions qui se passent là, qui peuvent vraiment outiller les gens à peut-être avancer plus vite plutôt que d'être tout seul à essayer de trouver dans la ville de Québec en faisant le tour de tous les commerces existants. Là, et il y a l'expérience de ces gens-là qui c'est vont ça. Écrire aussi, qui sont passés par les premiers pas. Est-ce que... Par rapport à la question, justement, si c'est plus cher d'acheter local. Souvent, c'est ce qui est véhiculé. Acheter au Québec, acheter localement, c'est plus ça cher. Ça peut être plus cher, oui, éventuellement. Mais encore une fois, moi, je me suis jamais vraiment posé cette question. Parce que, en fait, quand on choisit ces sentiers, quand on choisit finalement pourquoi on se bat, on va finalement compenser dans autre chose. C'est-à-dire que, oui, moi-même, j'achète que du produit biologique. Oui, c'est plus cher. Mais à côté de ça, je ne vais plus dans les grandes surfaces acheter, comme je disais tout à l'heure, les derniers cellulaires, la dernière écran. Donc finalement, oui, je dis ça parce que j'ai été dans cet extrême aussi il y a 4 ans de ça, où j'ai été un consommateur, surconsommateur. j'ai connu cet extrême-là. J'ai de la difficulté à t'imaginer surconsommateur. C'est ça. Donc, j'ai été vraiment dans l'autre extrême et finalement, je me sentais pas bien. Et j'ai vraiment tourné la page et finalement, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, plus convaincu, je suis plus dans mes valeurs finalement. Et donc, c'est ça, j'ai changé le téléphone intelligent pour revenir à un clapet. Donc, j'économise là-dessus. Avant, j'avais un appartement qui m'appartenait. Aujourd'hui, je loue. Avant, j'allais régulièrement au restaurant. Maintenant, je vais très peu au restaurant parce que, déjà, étant végétalien, c'est difficile à Québec aussi de manger végétalien dans les restaurants. Donc, je mange plus chez moi, mais ce qui implique aussi que je cuisine plus, je sais ce que je mange, donc c'est vraiment encore une fois, c'est du moment où on se bat pour en quoi on adhère finalement, on oublie tout ça. Moi, je pense plus que c'est des prétextes pour pas aller sur telle ou telle chose. Puis, donc, de ce que je comprends, si on choisit, en fait, on choisit nos combats, en fait, dans la vie. Donc, c'est pas nécessairement parce que le produit est plus cher qu'au bout de la ligne, on fera pas d'économie. Vas-y, Naomi. J'aimerais peut-être ajouter, en fait, au niveau du coût du zéro déchet, du moment où est-ce qu'on achète en vrac. Donc, on va se responsabiliser au niveau des quantités. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est qu'on peut choisir la quantité qu'on désire avoir. Alors que quand vous achetez, par exemple, dans les magasins à grande surface, vous défrayez pour le marketing, vous défrayez pour l'entreprise, donc tout l'aspect corporatif de l'entreprise pour lequel vous achetez leurs produits. Vous défrayez aussi pour l'air qu'il y a dans le contenant. Vous savez pas combien vous coûte le contenant, tandis que si vous apportez, par exemple, vos contenants dans un magasin d'aliments en vrac, vous pouvez choisir la quantité. Donc, savoir exactement le coût du produit que vous allez défrayer. Donc, ça peut être une façon aussi judicieuse de faire des économies par la suite. Quelqu'un qui voudrait s'y intéresser, les premiers pas, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Parce qu'il y a aussi les gens qui se disent, ben le recyclage, je le fais. Est-ce que c'est vraiment écologique? Parlons du recyclage, tiens. Oui. je t'ai vu le visage changer, Grégory. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un premier bon pas ou ça ne fonctionne pas? Aujourd'hui, on parle de recyclage comme si c'était la solution au problème. Mais selon moi, c'est comme je dis, un premier pas. Mais on a besoin d'énergie pour recycler, on a besoin d'eau. Donc, ça implique encore de la pollution, donc un impact encore sur la planète. Donc, c'est pas faut vraiment vraiment promouvoir le mouvement zéro déchet. Moi, je pense que c'est la seule solution. Allez-y. Je suis un peu d'accord avec Grégory. En fait, le recyclage, c'est pas mauvais. Je dirais pas aux gens d'arrêter d'en faire, au contraire. Par contre, faut pas penser que c'est la solution. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis c'est pas si difficile que ça d'aller plus loin, juste d'acheter usagé. Déjà, c'est un gros pas qui est économique, qui prend pas plus de temps parce que c'est la même chose, tu te déplaces au magasin et puis voilà. Mais sauf que ce que tu achètes, tu lui donnes une deuxième vie ou une troisième, etc. Donc, à ce moment-là, ça réduit la demande de produits neufs. Donc, si on est beaucoup à le faire, ben on diminue la surproduction aussi à un moment donné. Puis, dans ce qu'on a, qu'on ne veut plus, au lieu de que les deux solutions soient la poubelle et le recyclage, ben de penser aussi à donner une autre vie. Puis si nous, on ne peut pas donner une autre vie à l'objet, bien peut-être que quelqu'un d'autre peut le faire. Puis des fois, ça ne sera pas nécessairement juste de donner à des organismes si l'objet n'est plus en bon état puis que personne ne peut l'utiliser. Mais il y a du recyclage de tissus qui se fait. Alors, c'est encore là, c'est de trouver à quel endroit on peut donner ça. C'est ça, des fois, c'est là où est-ce que les gens vont faire « Oh, regarde, je ne suis pas capable de trouver, puis je vais jeter. » Bien, il existe des plateformes où on a toutes ces informations-là. Fait que j'invite encore les gens à aller voir parce que c'est quand même simple. Si les gens ont Facebook, la page Zéro Déchet Ville de Québec. Je vais mettre le groupe, oui. C'est ça. Puis là, à partir de là, vous allez pouvoir découvrir plein de ressources qui sont facilitantes là, pour faire des petites démarches. Oui, parce que quand j'ai lancé mon appel à tous, en fait, pour parler du zéro déchet à l'émission, les gens se sont... J'en ai même refusé pour ce matin... Les gens avaient envie de faire connaître ce mouvement-là. Et oui, c'est un bon groupe. Il y a beaucoup de... J'ai été voir, j'ai été fouiner. Il y a vraiment des choses qui sont faciles à faire. Puis, de la manière que c'est expliqué, les gens sont passés par là. C'est pas des gourous un peu à la Bea Johnson ou est-ce que ça a l'air bien compliqué. Ça a l'air... comment je pourrais dire, ça a l'air un petit peu plus compliqué que ce que vous expliquez, en tout cas, là. C'est tout simple, à part, peut-être peut-être ta pâte à dents, Noémie. C'est la version complexe. Là, je la trouvais complexe un peu, ta recette de pâte à dents. mais sinon, commencer lentement, mais sûrement pas se lancer tête première là-dedans non plus, là. Mais il faut dire aussi que dans ce mouvement-là, il y a beaucoup de gens qui fabriquent leurs propres choses, mais pas nécessairement non plus. Dans le sens où, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse de commencer à fabriquer vos propres cosmétiques ou vos propres produits ménagers, ben il existe des gens qui se sont partis en affaires puis qui proposent des produits intéressants, de confiance, puis... En les achetant aussi, ben on encourage des emplois locaux puis une économie locale. Donc, il y a cette alternative-là aussi. Si ça semble épeurant pour des gens de se mettre à fabriquer eux-mêmes leurs trucs puis, ou qui n'aiment pas ça faire ça, il y a des produits qui existent, qui sont disponibles. Puis, en fait, depuis quelques années, c'est extrêmement facilitant d'adhérer à ce mouvement-là parce que les gens ont le choix. Il y a de plus en plus de ressources, de commerce qui existent. Il y a une vitalité là, qui est vraiment aidante. Là. Oui. T'sais, moi, ça m'a pris vraiment du temps avant de mettre à acheter ma nourriture en vrac parce que je voyais les gens qui le faisaient, puis je les admirais, puis j'étais son don ben hot, puis je me voyais pas partir avec mon gros sac plein de pots maçons, ben, faire le tour des épiceries, la logistique. Mais c'est pas ça. C'est pas moi, ça. Ben, ce qui a été pour moi facilitant, c'est de, j'ai découvert qu'il existait des sacs en tissu. Déjà, tu sais, pré-calibré, là, tu sais, ouais. Selon différentes grandeurs, là, 500 ml, 1 litre, 250 ml. Puis, c'est léger. C'est tout petit, là. C'est comme un tout petit mouton, là, que je mets dans ma sacoche, là. Puis, je pars avec ça. Puis, je le remplis. C'est léger. Puis, je reviens avec mon sac d'épicerie. Mes produits sont là-dedans. Fait que pour moi, là, ça a été vraiment le déclic. Quand je me suis outillée avec ces sacs-là, c'est devenu facile d'aller acheter en vrac. Puis, d'avoir des épiceries qui vendent du vrac. C'est facilitant aussi, puis on a la chance d'en avoir plusieurs à Québec. Fait qu'en plus, on a le choix, il y a une diversité de produits. Si un tel a un produit que l'autre n'a pas, ben tu sais, il existe ailleurs, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment aidant, là. Mais la presse, au niveau du vrac, ça a souvent eu mauvaise presse. C'était les pauvres qui achetaient ça. C'était les pauvres, ceux qui avaient moins d'argent, qui achetaient en vrac. Il n'y avait pas assez d'argent pour acheter la vraie sorte, la vraie compagnie. Et là, j'ai l'impression qu'on revient à autre chose, qu'on nous présente le vrac un peu plus sexy que celle d'été. Je me trompe ou il y a vraiment un mouvement? On parle aussi, il y a Bulk Barn, que j'ai toujours de la difficulté à prononcer, mais il y a eux aussi, entre autres, qui permettent maintenant d'arriver avec nos pots. Donc, déjà, si les gens ont peur d'aller, peut-être qui ont peur du côté plus écolo, tu sais, comme je disais, l'étiquette, tantôt, ça reste collé. J'espère que ça va se décoller à un moment donné, cette étiquette-là. Mais déjà, qu'il y ait un commerce un peu plus grande surface, que les gens commencent à voir, puis après ça, découvrent vos commerces à vous, qui sont plus locaux, je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis jamais allée dans cette entreprise parce que je fais le choix d'encourager des commerces locaux. Puis, pour moi, il y a une relation de confiance dans le vrac aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même de la popularité qui s'en vient sur le vrac quand les grosses compagnies s'y intéressent. C'est vrai. C'est bon pour vous. En même temps, tu sais, je pense pas que Bulk Barn, moi aussi j'ai de la misère à dire, a nécessairement une vision écologique, OK? L'aspect était peut-être plus économique pour la clientèle, puis ça a été quand même, il y a eu des revendications, puis des pressions, puis des demandes qui ont été faites pour qu'ils finissent par accepter d'avoir dans certains magasins prototypes des sacs que les gens pouvaient amener, OK? Mais, donc, pour moi, ça ne correspond pas aux valeurs que je recherche. C'est ça, vous allez plus loin que l'économie et le vrac. Vous allez vraiment dans les valeurs. Puis, je trouve que les raisons pour lesquelles moi, j'achète en vrac, ça vient avec un lien de confiance. Tu sais, si je vais dans un magasin vrac, mais que je sais pas que en arrière, pour remplir le bidon, ils ont tout ouvert plein de petits pots puis ils ont vidé dans le gros bidon, ça n'a pas de logique, c'est sûr. À ce moment-là, c'est pas l'impact que je veux avoir, je l'aurai pas. Alors, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il y a un lien de confiance. Quand tu choisis ton magasin vrac, ben peut-être qu'ils n'ont pas certains produits, mais c'est parce que ce produit-là, le fournisseur, il fournit pas en énorme contenant, tu sais. Donc, il faut se renseigner aussi. Puis moi, ce que j'aime dans les petits commerces locaux de vrac, c'est que on connaît les personnes, on peut poser des questions, on peut demander tel produit, l'avez-vous, j'aimerais ça l'avoir. Ils vont rentrer des produits que les clients leur demandent. S'ils les ont pas, ils vont t'expliquer pourquoi. Puis c'est frais, les produits sont frais, sont de qualité. Puis en tout cas, moi, j'y trouve plus mon compte. Mais vous connaissez la provenance plus, c'est ça. On est déjà à la fin. Bon, Noël s'en vient. Avez-vous un conseil rapidement? N'achetez pas de sapin de Noël. Non, c'est vrai? Oui. C'est compostable. Oui, mais il y a plein de matières. Ils utilisent plein de produits chimiques, justement, sur les sapins de Noël. Ah, ça, on ne sait pas, par exemple, c'est ça. Parce que quand on regarde, là, ils vont dépenser, c'était sorti selon une étude, là, c'est 658 $ en moyenne pour les Canadiens qui prévoient. C'est 5% de plus que l'année passée. Fait que, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour le mouvement Zéro Déchet? J'en ai peut-être quelques-uns pour ma part. Essayer de faire soi-même ce qu'on peut faire par la suite. Donc, des cadeaux qu'on peut fabriquer nous-mêmes, des petites recettes, des choses comme ça. Donc, vraiment donner avec le cœur. Après ma barre, parce que Noël, pour moi, c'est vraiment un moment pour se rassembler, pour se gâter, se choyer, non pas nécessairement pour consommer. Puis par la suite, emballer dans des tissus. Donc, sous le principe du furoshiki, si jamais vous voulez aller voir un peu sur le web, c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment d'emballer dans des tissus recyclés, puis offrir par la suite avec ça. Et il y a moyen c'est aussi... Joli, tout à fait, il y a moyen de rendre ça esthétique. Ben oui. Exactement. Puis peut-être dans les choix de cadeaux, essayer d'offrir des activités, en fait, plutôt que des objets, parce que des fois, de toute façon, on ne sait plus quoi offrir aux gens, ils ont tout, puis on n'est pas sûr qu'ils vont aimer ça. Fait que des activités, déjà, ça ne procure pas de déchets, puis ça permet aux gens de passer des beaux moments, de la qualité de vie, des partages avec soi ou qu'ils le fassent tout seuls, peu importe, mais je pense que c'est une belle alternative. Non, mais ça pourrait sensibiliser. T'allais ajouter, Grégory? Non? Oui? Moi, je disais, on parlait du sapin de Noël, mais je disais aux gourmandises, on fait un super sapin de Noël. Vous en faites un? Oui, avec des tubes de papier toilette. Ah! En passant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une de mes employées qui a beaucoup de créativité. Mais c'est ça, encore une fois, ça pousse aussi à la créativité aussi de réutiliser justement les matières qu'on a. Vraiment, merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette semaine aux différents. Mais Grégory Giron, j'invite les gens à aller te rencontrer, toi et ta conjointe aussi. Vous êtes ensemble dans cette aventure-là qui est Les Gourmandises Lucas, si je ne me trompe pas. Oui. Ma femme, en fait, Julie, oui, travaille quand je travaille pas, puis inversement. vous allez en voir un des deux. Non, c'est qu'elle travaille avant l'ouverture, elle fait toutes les pâtisseries principalement, puis moi je suis là la journée, donc c'est sûr que vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir me poser des questions. Situé sur la rue Saint-Jean, à quelle adresse? 778 rue Saint-Jean. 778 Saint-Jean. Oui. À côté du Snagra, juste à côté du Snagra, l'antithèse. Marie-Claude, toi de ton côté, on va te suivre sur le groupe. Je ne savais pas que tu étais dans les modératrices du groupe Zéro Déchet. Ville de Québec. Mouvement Zéro Déchet, Ville de Québec, c'est ça? Oui, Zéro Déchet, Ville de Québec. Parfait. Simplement. Et Noémie, si on veut te rencontrer, on va aller à la récolte sur la 3e avenue et puis tu vas pouvoir nous conseiller une bonne recette de pâte à dents. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous trois. C'est très gentil d'être passé, venir nous expliquer puis vraiment démystifier qu'est-ce que c'était que le mouvement Zéro Déchet.